Il n'y a donc pas que l'Espagne qui a commencé à vacciner sa population contre le coronavirus avec des vaccins, exactement du type de ceux contre lesquels des associations entières de scientifiques ont mis en garde en vain pendant des mois. Pendant ce temps, nos médias subventionnés, qui sont payés très cher, ont refusé de manière évidente leur obligation légale de rendre compte des avertisseurs et des contre-voix experts. Non seulement cela, mais ils les ont également supprimés de manière dangereuse, et bien qu'ils le sachent. Il s'agit ici de témoignages censurés de milliers de scientifiques, médecins, virologues, biologistes, etc. de renom. Toutes ces personnes et bien d'autres encore, au lieu d'être entendues, ont même été insultées, incriminées et stigmatisées publiquement par le mainstream. Au lieu de stimuler le débat public exigé par la Constitution sur tous les dangers qui ont été découverts, les grands médias ont systématiquement bloqué tous les témoins experts qui faisaient encore preuve d'un certain courage civil et les ont roulés dans la farine. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont même fait en sorte que tous ceux qui ont donné une audience à ces experts de haut niveau soient stigmatisés comme étant des covidios, des négateurs du coronavirus, des tueurs d'hommes et d'autres choses de ce genre. Et ce n'est pas seulement la population espagnole qui est maintenant vaccinée avec précisément ces vaccins non testés contre lesquels les virologues et les médecins s'élèvent, avertissant qu'ils pourraient eux-mêmes causer les véritables grands dommages. Que ce soit le cas ou non, les peuples rabaissés au rôle de cobayes ne peuvent pas le savoir sans ces experts qui sont complètement indépendants économiquement. Et c'est précisément la raison pour laquelle une vaccination aussi hâtive de la population mondiale ne doit en aucun cas avoir lieu sans une enquête approfondie et un débat public. Ce qu'il faut ici, c'est un moratoire, c'est-à-dire une suspension immédiate contraignante, dans le but d'une enquête publique approfondie concernant tous les points signalés comme problématiques. L'ensemble de la campagne de vaccination elle-même est déjà suffisamment anticonstitutionnelle. Les voix des experts en matière d'alerte devraient être examinées d'urgence, d'abord par des comités d'experts totalement indépendants, puis débattu en public. Et par indépendant, j'entends non seulement libre de tout conflit d'intérêts, mais aussi hors de portée de toutes les sociétés secrètes maçonniques, qui pourtant à plusieurs reprises déjà ont été mises en cause pour de telles actions. Mais malheureusement, jusqu'à présent, toutes les déclarations et les avertissements d'experts véritablement indépendants, comme je l'ai dit, ont été censurés de la manière la plus criminelle par les médias du mainstream et donc cachés au peuple menacé. Mais aussi de plus en plus de plateformes de médias sociaux comme YouTube, Facebook, Vimeo, etc. font la même chose de manière irresponsable. Des milliers de censeurs à temps plein, on ne peut pas les appeler autrement, et des pirates informatiques à temps plein s'assurent depuis des mois que toute contre-voix vraiment importante soit bannie d'Internet. Qui diable paye réellement toutes ces légions ? Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Avec quel argent ? Il doit y avoir des milliards de pots de vin. Je dis ici ouvertement ce qu'il en est. Si ce qui fait rage ici est vraiment une guerre hybride, comme l'ont maintenant révélé de façon concluante la plupart des lanceurs d'alerte, CLATV compris, alors tous ces censeurs ne sont rien de moins que de dangereux criminels de guerre qui ne font que participer à un nouveau génocide. Rien que les expériences sur les animaux qui ont été étouffées par le mainstream ont montré dans la clarté la plus effrayante comment justement des vaccins Covid-19 produits aussi hâtivement ont conduit à des choses encore pires que le virus lui-même. Mais maintenant, malheureusement, la situation est bien pire. Pas plus tard qu'hier, les médias ont rapporté que le gouvernement espagnol tenait déjà une liste de tous ceux qui ne se faisaient pas vacciner volontairement. Et ce qui est arrivé ensuite, dans un seul et même bulletin d'information, ne fait que déclencher la question de savoir à quel point ils nous prennent pour des idiots, peut-être même des abrutis, ou du moins à quel point devrions-nous nous comporter comme tels. Car en même temps que cette nouvelle, nos médias subventionnés nous ont assuré que la protection des données resterait bien sûr garantie pour tous ceux qui figureraient sur la liste de ces non-vaccinés. Bien que le gouvernement espagnol ait promis, dans une seule et même phrase, de transmettre toutes ces données à tous les pays voisins qui voudraient savoir qui viendrait dans leur pays sans être vacciné. Super ! Quelle protection des données ! Où en sommes-nous arrivés ? Ainsi, les données top secret des personnes qui refusent la vaccination en Espagne ne seront transmises qu'à toutes les autorités qui ont effectivement le pouvoir d'interdire l'accès à tout ce que la vie publique a à offrir, comme le droit d'entrer, de prendre l'avion, d'aller en vacances, d'acheter, de prier, et je ne sais pas quoi énumérer d'autre. Simplement, tout ce qui vaut la peine de vivre. En d'autres termes, les seules personnes contre qui les données sont réellement protégées sont donc les personnes qui ne pourraient rien en faire et qui n'ont ni l'intérêt ni le pouvoir de nuire à ceux qui ont refusé la vaccination en Espagne. Mais les données seront également protégées contre ceux qui pourraient peut-être soutenir les personnes qui refusent la vaccination. Comprenez-vous cela? Bien sûr, cette nouvelle d'horreur fait d'abord céder toutes les poules mouillées de la société, c'est clair. Ils se réconcilieront immédiatement avec eux-mêmes en disant que ce prix est beaucoup trop élevé pour eux. Après tout, ils ne veulent pas être exclus de la société, les pauvres. Ils suivent donc immédiatement l'offre d'encouragement psychologique du ministre allemand de la Santé, M. Spahn, et préfèrent se battre pour la première injection plutôt que de résister. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Lorsque l'Espagne, pas plus tard qu'hier, a propagé ses listes anti-vaccination, M. Spahn a en même temps fait la une des journaux en déclarant qu'il ne devrait y avoir aucun droit spécial pour les personnes vaccinées. Celui qui connaît le langage de la déformation maçonnique du sens sait donc déjà avec certitude que bientôt ce sera tout le contraire qui sera réalité. Cela signifie que tous les Allemands et autres personnes refusant la vaccination figureront bientôt sur ces listes. Il est important de le comprendre. L'Espagne n'est ici qu'un ballon d'essai. La seule réaction logique à de telles listes cachées et dissimulées pour les personnes non vaccinées doit donc être des listes officielles pour toutes les personnes ayant subi des dommages suite à la vaccination. Vetopedia offre ici à toutes les personnes lésées par la vaccination la possibilité de s'inscrire officiellement afin de rendre public leurs dommages liés à la vaccination. L'humanité doit enfin connaître les conséquences dévastatrices des vaccinations passées. Tout comme l'État surveille tous les non-vaccinés d'une part, la population doit d'autre part garder un œil bienveillant sur tous ceux qui ont été vaccinés afin de mettre en lumière tous les dommages possibles de la vaccination. Par conséquent, divulguez vos données sans hésitation à ce public qui, au final, va supporter tout seul vos dommages, non? C'est votre seule protection. Vous savez que ni les grandes entreprises pharmaceutiques ni les médecins ne peuvent être poursuivis pour des dommages causés par la vaccination, quelle que soit l'importance de ces dommages. Alors pourquoi les données des victimes de la vaccination ne devraient-elles rester que chez ceux qui protègent ceux qui leur ont nui? Vetopedia rend visibles les dommages causés par la vaccination. C'est pourquoi inscrivez-vous. Ça fonctionne ainsi. Si ce contre quoi des milliers de médecins, professeurs et virologues indépendants ont mis en garde devait se produire, cela deviendrait alors visible à cet endroit-là. La population doit veiller maintenant à ce que l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et de la vaccination puisse pour la première fois être tenue pour entièrement responsable des dommages causés par la vaccination, au lieu d'être doublement protégée par la loi contre les demandes de dommages et intérêts. Ces vaccinations, décrites par des experts véritablement indépendants, comme étant extrêmement dangereuses, sont administrées sans hésitation et les médias se taisent tout simplement sur les millions de dégâts graves causés par la vaccination, les stérilisations dissimulées et bien d'autres choses qui ont déjà été révélées en masse par CLATV. Ainsi, à l'avenir, avec Vetopedia, les lanceurs d'alerte, ce qui arrive à toutes les personnes vaccinées contre la COVID devrait être révélé. Comme cela a déjà été demandé de manière urgente, les comités d'experts indépendants, les virologues, les biologistes, les chimistes, etc., doivent maintenant parler publiquement et actionner les leviers encore disponibles afin qu'ils exposent de manière publique et professionnelle les informations sur les tests PCR et les nouveaux vaccins anti-Covid et qu'ils présentent les preuves de leurs enquêtes, etc. En ce qui concerne le test PCR, une spécialiste a déclaré ces jours-ci qu'elle avait soumis à analyse plusieurs de ses tests absolument intacts et que les résultats sont revenus positifs. Elle n'avait rien fait avec ces tests. On soupçonne que ces tests PCR propagent même la maladie. Si c'est effectivement le cas, cela signifierait que la véritable propagation du virus COVID-19 n'a réellement commencé qu'à travers les tests PCR. Et combien plus alors par le vaccin lui-même, qui a été qualifié de folie totale. Aujourd'hui, le 30 décembre, les masses médias parlent d'une nouvelle forme de coronavirus encore bien pire. Il est donc nécessaire d'enquêter publiquement et immédiatement pour savoir si ce n'est pas précisément la réalisation du soupçon susmentionné. Que la propagation beaucoup plus rapide n'est pas due à un nouveau type de virus, mais aux tests et aux vaccinations qui ont maintenant été lancés. Il a été démontré à plusieurs reprises que la communauté mondiale se trouve principalement, je dis bien principalement, au milieu d'une guerre financière hybride. Il y a donc de forts soupçons que l'ensemble du scénario COVID-19 ne soit qu'un dispositif de guerre biologique conçu pour dissimuler des intentions bien plus supérieures. Quelles sont les intentions supérieures qui pourraient être dissimulées? Par exemple, le processus continu d'endettement total de tous les États. Si la dépossession et l'asservissement de tous les pays étaient une intention plus profonde des agresseurs hybrides, alors ils auraient besoin d'un bouc émissaire, c'est clair. Et ce, afin de pouvoir imputer une crise financière délibérément mise en scène à un coup du sort, à une pandémie, et cela dans un but d'enrichissement personnel. Quoi de plus idéal? Une pandémie volontairement dirigée rendrait tout possible. Elle justifierait tous les moyens de surveillance et de pouvoir, et en même temps, elle dissimulerait parfaitement le processus de pillage mondial en cours. Il faut donc enquêter publiquement et déterminer si cette prétendue pandémie n'a pas été créée délibérément dans le but de dissimuler le plus grand scandale et crime financier de tous les temps. Il a déjà été prouvé noir sur blanc que des brevets sur les virus Covid ont été créés. Quelle est cette folie? CLA TV en a déjà parlé. Et maintenant, seuls des experts totalement indépendants peuvent enquêter et déterminer si les tests PCR et désormais aussi les vaccins COVID-19 conduisent à la propagation réellement mortelle de la COVID-19. Toutes les listes de décès dans le monde à ce jour prouvent que jusqu'au 30 décembre 2020, le taux de mortalité n'a pas été plus élevé que lors des années normales de grippe, plutôt plus bas que cela, pour autant que je sache. Dans son entretien sur CLA TV, le Dr Madey a démontré de manière évidente et instructive à la population mondiale à quel point les satanistes déclarés sont à la tête de l'industrie des vaccins. Sans scrupules, pareil à des fous, ils ont fait enregistrer leur brevet de vaccin COVID-19, développé à la hâte et sans aucune vérification, avec le numéro 060606. Étonnant, n'est-ce pas? Et par le biais des médias du mainstream, ils ont fièrement proclamé qu'ils voulaient vacciner 7 milliards de personnes avec leur cocktail de poison 666. Le fait qu'ils ne puissent être tenus pour responsables d'aucun dommage lié à la vaccination est garanti par la nouvelle loi spécifiquement introduite avec le numéro d'enregistrement. Là encore, 6666, ce qui n'est manifestement pas une théorie de conspiration, mais un fait réel. Maintenant, ou plus tard, il devrait enfin être clair, même pour celui qui doute le plus, quelle espèce d'être humain est en train d'écrire l'histoire du monde. Même si la politique et les médias s'y opposent et font remarquer qu'on ne sait pas encore quels vaccins seront achetés par qui, il faut néanmoins faire comprendre à la communauté mondiale qu'il ne peut y avoir une seule offre sérieuse, selon des experts indépendants. Car une telle chose n'est tout simplement pas possible en si peu de temps. Je ne répéterai pas toutes les émissions. Et qui va maintenant donner à l'humanité la pleine assurance que les fournisseurs des vaccins actuels sont en fait d'autres personnes que ceux dont nous venons de parler et qui sont prédéterminés par l'élite dominante? En bref, qui va prouver maintenant et par quels moyens que les vaccins administrés actuellement ne sont pas issus de ce club des 666? À notre connaissance, les principaux dirigeants mondiaux ont accumulé beaucoup trop de pouvoir pendant notre période de somnolence pour que des homologues sérieux, libres et indépendants puissent même s'affirmer dans ce commerce. Si vous étudiez les sources à la fin de l'émission, vous vous demanderez comment diable des gens comme Bill Gates, complètement ignorants de la virologie, de la pharmacie et de la médecine, en sont venus à annoncer ouvertement et en toute impunité devant des caméras qu'ils veulent non seulement vacciner la population mondiale avec des substances modifiant l'ADN, mais qu'ainsi, ils voudraient aussi réellement la réduire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Seules les personnes qui appartiennent à une élite contrôlant tout et dont la religion est de toute évidence le satanisme peuvent le faire. Aucun simple mortel ne pourrait jamais mettre la main sur un brevet controversé de vaccin numéro 666 ou que ce soit dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne pourrait certainement pas utiliser une loi pour se protéger doublement de toute responsabilité qui porte le numéro d'enregistrement 6666. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Il existe des groupes de personnes qui ont le courage d'imposer leur cocktail empoisonné, leur technologie et leurs signes au monde entier, ce contre quoi même la Bible nous met fortement en garde depuis 2000 ans. Il est temps de se réveiller, mes chers. Une seule chose est claire jusqu'à présent. Notre communauté mondiale est contrainte à la ruine totale par ceux qui détiennent le pouvoir, à savoir par des personnes qui court-circuitent complètement le peuple, sans être reconnues pour ainsi dire, et qui agissent comme les quatrième et cinquième puissances de l'État. Ils forment un règne de terreur pure, et je le dis devant Dieu, ce genre d'humains n'ont pas du tout de bonnes intentions envers nous, et ils sont capables de tout ce qu'un mortel normal considérerait comme tout simplement impossible. Avec cette crise économique mondiale parallèle forcée, les protocoles des sages de Sion se réalisent une fois de plus à la lettre. Et non, il ne s'agit pas du tout des Juifs, du moins pas de vrais Juifs, comme cela y est écrit quasiment toutes les 10 lignes. Les auteurs de ces écrits sont de réels satanistes qui détestent les Juifs plus que tous les autres et qui veulent reporter leurs crimes planifiés sur les Juifs afin qu'ils soient persécutés pour cela, et non pas eux-mêmes. Quand ça explosera, j'ai longuement abordé ce sujet dans ma conférence à ZK contre le racisme et la conspiration. Ce ne sont donc pas les Juifs qui ont écrit ces protocoles de conspiration mondiale. Donc, ne les poursuivez pas pour cela. Je refuse de reconnaître que c'était les Juifs. Selon la Bible, ce sont ceux qui se disent Juifs, mais ne le sont pas, mais qui appartiennent à la synagogue de Satan. C'est ainsi que c'est écrit. Les auteurs de ces lignes sont des satanistes classiques qui utilisent les Juifs comme boucliers afin de les soumettre une fois de plus à la persécution et de les accuser de leurs crimes sataniques. Je rappelle cependant que cet écrit est un écrit interdit. Il est donc interdit de le distribuer. On peut à peine le mentionner. Mais aucun pouvoir, je vous le dis sous le ciel, ne peut m'empêcher d'assumer ma responsabilité envers une population mondiale menacée et de témoigner que cet écrit de conspiration s'accomplit à la lettre une fois de plus à notre époque. Et cela justement à travers ces pouvoirs qui, en première ligne, nous contraignent au confinement. La ruine ou l'endettement extrême de tous les États et de la communauté mondiale est au cœur de leur intérêt principal, selon cet écrit de conspiration. Comprenez-vous? Ce qui est écrit se réalise exactement, bien exactement maintenant ces jours. La pandémie n'est utilisée que comme un bouc émissaire pour cacher la dette nationale insidieuse prévue. Presque tous les biens matériels, les ressources minérales et les richesses de la terre tombent actuellement entre les mains des conspirateurs. Ils gagnent leur vie comme jamais auparavant. Mais leur objectif final caché n'est même pas cela, mais une domination du monde à la main de fer, où tous nos plaisirs et conforts passés prendront une fin abrupte et définitive. Parce que trop de preuves indiquent maintenant clairement que toute l'histoire de la COVID est une pandémie provoquée délibérément par cette secte dévastatrice de domination mondiale, il est impératif que la communauté mondiale sache à qui elle a affaire, parce qu'ils se sont mis arbitrairement aux commandes de l'humanité. Et ces gens sont vraiment nuisibles. Les satanistes ne tolèrent aucune autre religion que celle de Satan. Ils ne tolèrent pas les intérêts nationaux ou les cultures acquises. Pour eux, seuls les intérêts du diable vivant sont valables. Ils n'en ont jamais assez. Par exemple, d'argent ou de pouvoir. Avec leur société secrète, ils ont, depuis des siècles déjà, accaparé injustement tout pouvoir possible au moyen de nos flux monétaires et des décisions politiques. Mais le commun des mortels se demande maintenant ce qui, au-delà de cela, pourrait les intéresser. Puisqu'ils ont déjà obtenu tout le pouvoir et la richesse, que leur manque-t-il encore? Et c'est là que je dis, attachez vos ceintures. Ce que je vais dire, je souhaiterais que ce soit juste de la science-fiction. J'aimerais bien me tromper sur ce point. Ce culte se nourrit de la perte et des souffrances des humains. Ils sont fondamentalement hostiles à la communauté mondiale. Ils nous considèrent tous comme des mouches parasites, comme de la vermine à exterminer. Ils se considèrent en revanche comme les propriétaires légitimes de ce monde. Ils n'ont aucun scrupule. Ils ne sourcillent pas quand leur cocktail de poison endommage, mutile ou tue des millions d'enfants innocents, ou quand des dizaines de millions de femmes sont stérilisées, ou ont des séquelles à cause de leur vaccination forcée, etc. Toutes ces choses leur donnent le plaisir désiré. Vous devez tout d'abord comprendre que de telles choses les excitent véritablement. Oui, ils sont pires que les pires prédateurs que vous pouvez imaginer. Ce n'est que lorsqu'ils peuvent torturer et tourmenter les humains, détruire les animaux et les plantes, qu'ils se sentent vraiment dans leur élément. Ils sont obligés de mentir et de tromper tout le temps. C'est leur nature. Ils n'ont aucun rapport avec une quelconque race humaine, aucune, ni avec une quelconque nationalité ou culture. Et comme je l'ai dit, avec aucune religion non plus, sauf leur culte du diable. C'est ainsi. Ils ont mis en place des réseaux entiers de cercles de pédophiles sur toute la Terre, où des enfants enlevés ou spécialement conçus pour cela sont abusés, torturés et cruellement sacrifiés pour des rites. Mais ils satisfont aussi leurs désirs pervers avec la traite des femmes, le commerce de la drogue et bien d'autres choses encore. Avec leurs énormes transactions monétaires et leurs spéculations, ils dirigent à volonté l'ensemble de l'économie mondiale. En ce moment même, un de leurs anciens plans se réalise, où il est écrit comment ils vont conduire l'ensemble de la population mondiale à une faillite financière ciblée et l'obliger à se soumettre directement à leur plein pouvoir. Ce qui ressemble malheureusement ici à de la science-fiction bon marché est une réalité amère. Mieux vaut le croire. Toutes ces choses sont restées cachées au public mondial parce que ce sont exactement les mêmes cercles qui ont obtenu la suprématie sur les grands médias. Leur pouvoir monétaire, combiné au pouvoir médiatique, forme ainsi le quatrième et le cinquième pouvoir invisible dans tous les États du monde. C'est la vérité. Presque rien n'a échappé à leur griffe sournoise. La plupart des politiciens de ce monde, cependant, n'ont pas la moindre idée de ces choses, car ce sont simplement des marionnettes achetées ou du moins trompées. On les a soit habilement fait chanter, soit on les a en quelque sorte achetées ou soudoyées avec des pots de vin de toutes sortes, comme ils le font de nouveau en ce moment avec les pasteurs, les restaurateurs, les hôteliers, les médecins et les hôpitaux, etc. En effet, les derniers sont payés pour déclarer leurs patients victimes de la COVID et les premiers sont payés pour fermer leurs portes, abandonner leurs troupeaux, etc. Conclusion, on peut fortement soupçonner que le monde a affaire à un réseau satanique de sociétés secrètes de haut rang qui viennent de commencer à poignarder au sens propre du terme cette population mondiale. CLA TV a donc mis à la disposition de tous ses spectateurs un dossier de sensibilisation à télécharger. Veuillez télécharger ce dossier de témoignage sous cette émission et informer les gens, d'abord de la classe moyenne, donc tous les propriétaires d'entreprises, etc., et ensuite aussi ceux de la base. Vous devez absolument voir le témoignage de scientifiques de haut rang pour connaître le véritable fond de cette incroyable histoire. Si nous ne le faisons pas, et si nous ne parvenons pas à prendre le dessus de cette manière, je pense que nous le payerons de notre propre sang et de nos propres vies. J'en suis convaincu. Par conséquent, ne diffusez pas ces dossiers de sensibilisation aux plus hautes autorités, car elles n'ont pas levé le petit doigt jusqu'à présent et ne le feront probablement jamais. Pour la même raison, ne vous adressez pas aux recteurs d'académie ou aux directeurs d'école, mais plutôt aux enseignants qui en dépendent individuellement. Sensibilisez-les. Là où les chefs d'entreprise ne réagissent pas à cette déclaration d'urgence et de sensibilisation, transmettez-la à leur personnel. Descendez, évitez aussi les directeurs de banque. Informez plutôt les employés de banque. De cette façon, les employés de banque pourront tout voir ce que fait leur patron là-haut. De plus, ne passez plus du tout par l'étape des rédacteurs en chef, de la presse, de la radio, de la télévision. Ils ont prouvé qu'ils ne faisaient rien. Mais cherchez plutôt les nombreux journalistes qui vous entourent. Chacun devrait prendre ses responsabilités dans un rayon de peut-être un kilomètre autour de chez lui et sensibiliser tous ceux qui peuvent l'être avec ce dossier de sensibilisation. De même, n'allez pas voir les directions des hôpitaux ou des cliniques, etc. Mais équipez plutôt leur personnel de nos meilleures émissions. Le grand public doit ainsi savoir tout ça, car toute discussion publique jusqu'à présent est attaquée, sabotée et bloquée par les magnats des médias, les rédacteurs en chef et autres dans le cadre d'un travail de sensibilisation stratégique ciblée. Il faut forcer la discussion publique entre tous les spécialistes utiles. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ne laissez donc personne vous empêcher de parler. Je vais maintenant résumer une fois de plus le pic de danger. Selon de très nombreux spécialistes témoins, il y a une très forte suspicion que l'épidémie de COVID-19 vient seulement d'être déclenchée par les tests PCR et maintenant aussi par la vaccination non sécurisée contre la COVID. En 2020, toutes les listes de décès du monde ont prouvé que, malgré les discours alarmistes constants, le nombre de morts n'était pas plus élevé, mais plutôt moins élevé que la moyenne des dernières décennies. Il n'y avait donc pas une seule raison justifiable pour ruiner, paralyser et détruire l'ensemble de l'économie mondiale de cette manière. Conclusion. En ce moment, des tireurs de ficelles non identifiés trompent, manipulent l'humanité entière et lui nuisent. Et leur tromperie ne cessera probablement pas, car il s'agit manifestement de psychopathes sataniques qui veulent dominer toute la politique mondiale, toute l'économie mondiale et la population mondiale, et qui veulent aussi la réduire fortement et la conduire vers le transhumanisme. Nous ne devons pas leur permettre de continuer à avoir ce pouvoir. Par conséquent, comme je l'ai dit, téléchargez le dossier de sensibilisation avec les 7 émissions les plus importantes et les plus fondées et transmettez-les aussi à tous les pasteurs, prédicateurs, évangélistes et diacres. Commandez-leur de diffuser ces voix d'experts parmi leurs paroissiens. Mais faites-leur aussi prendre conscience de leur entière responsabilité s'ils ne le transmettent pas et refusent à leur communauté ces voix d'experts. Celui qui érige aujourd'hui des blocages qui provoquent la censure et ne contribue pas à prévenir ce dommage mondial imminent porte aussi la responsabilité de la catastrophe à venir. Comprenez-vous ce dont témoignent ici d'innombrables experts? L'histoire s'écrit à travers ce que nous percevons comme notre quotidien habituel. Une guerre hybride fait rage contre toute l'humanité et tous ses experts en témoignent. Et on peut fortement soupçonner que tout ce qui nous est présenté comme des mesures douces et salvatrices pour l'humanité produiront exactement le contraire. Cela se passe exactement comme l'information mentionnée au début, où on fait croire aux Espagnols qui refusent la vaccination que leurs noms seront inscrits sur une liste, mais que leurs données resteront totalement protégées. Alors qu'on déclare dans la même phrase que leurs données seront transmises à tous les pays voisins, de sorte que ceux-ci sauront immédiatement si une personne non vaccinée s'approche d'eux. Reconnaissez par là le genre de mensonge et de distorsion qui se produit partout dans le monde. Mais reconnaissez aussi par là même l'heure qui a sonné. Et maintenant, une dernière chose. Il faut encore une fois souligner que la réduction totale de la population mondiale n'est qu'une facette du désir qui anime les misanthropes nommés. L'autre côté de leur plaisir est d'avoir un reste d'esclaves serviteurs en une sorte d'humains robots, mais entièrement à leur seul service, manipulables en tout. Leur rêve est un monde presque dépeuplé qui est tout à eux seuls, même pas à leur personnel. Celui-ci doit alors fonctionner inconditionnellement comme des machines, juste beaucoup plus capables et plus matures. Oui, et je sais que tout cela ressemble maintenant à de la science-fiction, mais je le dis devant Dieu. C'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Alors allez-y, agissez tant que vous le pouvez encore. Je suis Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 43 ans.